Section 41 de Le mari de Charlotte par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Deuxième partie, chapitre 10. Charlotte avait passé par les résolutions les plus opposées pendant cet entretien. Quand Emmanuel avait fait appel à sa loyauté, elle avait voulu avouer la visite de Georges. Sans doute celui-ci lui avait demandé le secret, mais il n'avait pas pu prévoir alors que les choses se présenteraient ainsi. Et lorsqu'elle avait pris l'engagement de taire cette visite, elle n'avait pas prévu non plus qu'elle aurait à répondre à une interrogation directe. Dans l'esprit de Georges comme dans le sien, il n'avait été question que de silence et non de mensonge. Jamais elle n'aurait consenti à s'engager pour une pareille tromperie. Au contraire, quand Emmanuel avait parlé de la curiosité de Georges à propos de sa santé, elle avait résolu de nier coûte que coûte. S'il s'inquiétait déjà des questions qu'on pouvait lui adresser sur sa santé, que serait-ce quand il en arriverait à soupçonner que Georges avait voulu avoir avec elle une conversation à ce sujet? Assurément, elle pouvait avouer la visite de Georges, sans avouer en même temps ce qui s'était dit entre eux pendant cette visite. Mais il fallait alors qu'elle expliquât, d'une façon quelconque, ce que Georges était venu faire. Si elle ne disait rien, c'était la jalousie d'Emmanuel qui s'exaspérait. Si elle disait une partie de la vérité, c'était les craintes vagues qu'il paraissait ressentir à propos de sa santé qui prenaient un développement effrayant. Qu'il eût des doutes sur son état mental, comme Georges l'avait indiqué, et ces doutes se changeaient en une certitude terrible, le jour où il savait qu'on s'occupait de lui. On ne se préoccupe, en effet, que de ceux qui sont en danger. La situation pour elle était pleine d'angoisse, et ce qui la compliquait encore, c'était la réponse négative de Georges. Pouvait-elle dire oui quand celui-ci avait dit non? En présence d'une pareille contradiction, Emmanuel chercherait pourquoi Georges, pris sur le fait, avait nié quand même. Jusqu'où n'irait-il pas dans cette recherche? Et quel résultat n'aurait-elle pas pour lui? On ne se cache, on ne ment, que lorsqu'on est en faute. Georges était donc en faute? Quelle faute? Cette interrogation devenait alors pour lui vertigineuse. Si au charmeau, il avait pu tomber dans la tristesse et la mélancolie pour une jalousie incertaine et rétrospective, que n'éprouverait-il pas lorsque cette jalousie se baserait sur un fait certain et présent? Puisqu'il venait à elle pour savoir la vérité, c'est qu'il doutait d'avoir reconnu Georges dans l'obscurité. D'un mot, par oui ou par non, elle pouvait donc incliner ses doutes dans le sens qu'elle voulait. Il ne s'agissait pas d'elle, il s'agissait de son mari. Ce n'était pas sa propre loyauté, sa franchise, son honneur qu'elle devait faire entrer en première ligne dans la délibération de sa conscience. C'était le repos, l'intérêt de son mari. Pour elle, assurément, elle ne voulait pas, elle ne pouvait pas mentir. Mais pour lui. C'était alors qu'elle s'était résolue à dire qu'elle n'avait pas vu Georges. En entendant cette réponse, Emmanuel, qui était penché vers sa femme, recula d'un pas comme s'il avait reçu un choc en pleine poitrine. Pendant plus d'une minute, il resta immobile, les yeux fixes, grands ouverts, puis se passant à plusieurs reprises la main sur son front contracté et rejetant ses cheveux en arrière. « C'est bien, » dit-il, « évidemment, je n'ai pas vu Georges. » L'accent avec lequel il prononça ces quelques mots fut si profondément désolé que Charlotte sentit les larmes lui monter aux yeux. Jamais cet homme, par qui elle se savait adorée, ne lui avait donné une si grande preuve d'amour. Ce n'était pas en lui qu'il avait foi, c'était en elle. Il récusait ses propres yeux pour croire ce qu'elle lui disait. « Il est possible, dit-elle, que ce soit Georges que tu aies vu dans le corridor. Il peut très bien avoir passé devant notre appartement et, s'apercevant qu'il se trompait, être retourné sur ses pas. Il n'y a dans tout cela, il me semble, qu'un enchaînement de circonstances fortuites, auquel il n'y a pas lieu d'attacher grande importance. » Il secoua la tête. « En tout cas, il n'y aurait pas là de quoi provoquer cette émotion. Le grand hôtel appartient à tout le monde, et parce que Georges aurait passé dans notre corridor, cela ne signifierait pas nécessairement qu'il venait ici ou qu'il sortait de cet appartement. Il ne faut pas s'exagérer ainsi les choses et les porter à l'extrême. Ne plaide pas les circonstances atténuantes. Je ne plaide pas, mon ami. Je cherche à expliquer ce qui, au premier abord, paraît étrange, j'en conviens. Étrange ? Incroyable, si tu veux. Mais ce qui en réalité peut être naturel lorsqu'on a cherché... Cherché ? Je veux dire, lorsqu'on a trouvé une explication. Les explications, je les repousse. toutes sont absurdes. Cependant, il n'y a qu'une chose que j'admette dans cette circonstance, ta parole. J'ai vu Georges. Georges dit que je ne l'ai pas vu. J'affirme, il nie. Tu ne peux pas expliquer, tu peux seulement constater un fait. Tu as vu ou tu n'as pas vu Georges. Pour moi, tout est là. Il fit une pause de manière à forcer sa femme à répondre une seconde fois. Il était évident pour Charlotte qu'il voulait l'obliger à répéter ce qu'elle avait dit. Et n'osant pas le lui demander directement, il avait pris cette forme détournée pour arriver à son but. Par les mots, ce n'était pas une interrogation précise. Par l'accent, par le regard qui accompagnait ses paroles, c'en était une pressante. Comme néanmoins elle ne répondait pas immédiatement, il insista. « Je te dirai plus tard toute l'importance qu'il y a pour moi dans cette réponse. Sache seulement qu'elle est capitale et qu'elle peut décider ma vie. »« Ta vie ? Notre bonheur, notre avenir. » Il était suspendu sur elle, les yeux dans ses yeux. Elle le regarda longuement et d'une voix qu'elle voulait rendre ferme, mais qui, malgré ses efforts, frémissait. « Je ne l'ai pas vu, » dit-elle. Il se leva vivement et marchant à pas précipités. « Eh bien, cela suffit, » dit-il. « Au moins, cela me suffit. Que demander de plus ? Tu ne l'as pas vu, tu le dis, tu le répètes. » Elle fit un signe négatif. « Il est désormais certain que j'ai été victime d'une hallucination. Les choses ne peuvent s'être passées que de cette manière. J'ai cru voir, je n'ai pas vu. »« Tu t'es trompée. » »« Je ne me suis pas précisément trompée, mais j'ai eu devant les yeux un fantôme créé de toutes pièces par mon imagination. C'est ma tête qui a vu Georges, c'est mon esprit. » Ce ne sont pas mes yeux, voilà tout, c'est bien simple. Moi aussi j'ai mon explication. Elle paraît absurde, et cependant elle est vraie, elle est la bonne, la seule bonne. » Il avait débité ces quelques mots d'une voix saccadée, en les accompagnant d'une gesticulation incohérente. Il était évident qu'il était en proie à un trouble violent. Charlotte, pendant qu'il parlait, le regardait avec épouvante. Que disait-il ? Que voulait-il faire entendre ? Quand il se tut, en s'arrêtant brusquement, elle courut à lui, et lui jetant les bras autour du cou, elle le serra tendrement contre elle. « Qu'as-tu ? » lui dit-elle, avec l'accent d'une mère qui vient au secours de son enfant. « Tu me fais peur, parle, dis-moi ce qui t'oppresse, ne suis-je pas ta femme ?» Il la serra dans une étreinte puissante, puis d'une voix passionnée. « Ma femme ? Ah, répète ce mot que je voudrais toujours entendre. Tu m'aimes, n'est-ce pas ? Tu m'aimes ? Si je t'aime, tu doutes de moi ? Non, Charlotte, mais il est des heures où l'on a besoin d'entendre ce qu'on sait le mieux. Ce n'est pas de toi que je doute, c'est de moi. J'ai besoin que tu mettes le calme dans mon cœur et que tu rendes la tranquillité à mon esprit troublé. Si tu savais comme ce mot que tu viens de prononcer m'a été doux ? Il la repoussa doucement, de manière à bien la voir, puis, dans une contemplation muette, il la regarda pendant plusieurs minutes, les yeux dans les yeux. « Ma femme, ma chère femme, » dit-il en prononçant lentement les mots. Il la prit par la main et la fit asseoir sur le canapé. Puis, l'enlaçant d'un bras, il s'assit près d'elle. Charlotte était éperdue. Elle sentait qu'elle traversait une crise décisive pour tous deux. Et après ce qui s'était passé entre elle et Georges, elle n'était pas assez maîtresse de sa volonté pour juger la situation et prendre un parti. Elle laissait aller les choses sans oser les diriger. Et, entraînée par la parole de son mari, qui la remuait profondément, elle le suivait, alors que pour se maintenir sûrement dans la ligne qu'elle avait adoptée, elle eût dû le précéder. Jusqu'où allait-il la conduire ? Qu'allait-il lui faire dire maintenant ? Elle avait conscience d'être à sa discrétion, et si une fois encore il faisait appel à sa loyauté, elle sentait qu'elle se jetterait à ses genoux et lui confesserait la vérité entière. Les paroles se pressaient sur ses lèvres, et ce n'était pas trop de ce qui lui restait de force pour les retenir. Pour Emmanuel, il s'était calmé, et l'exaltation qui, quelques instants auparavant, l'avait emporté, avait été dominée par son émotion. La tendresse de Charlotte, son élan, ses caresses, les simples mots qui lui étaient échappés, avaient instantanément détendu et amolli ses nerfs crispés. Mais à cette exaltation avait bien vite succédé une morne désolation qui n'était pas moins inquiétante. La lutte n'était pas finie, et Charlotte avait le pressentiment qu'elle était à peine commencée. Elle connaissait trop bien son mari pour ne pas comprendre que s'il persistait dans sa tristesse, c'était qu'il n'avait pas dit tout ce qu'il voulait dire. En effet, il la força à se tourner vers lui. « Tout à l'heure, tu me demandais de parler, dit-il, et moi-même je sens qu'il faut que je parle. Mais ce que j'ai à t'apprendre est si triste que tu regretteras mon silence. Eh bien, alors ne parle pas, je ne veux que ce que tu veux toi-même. Si tout à l'heure je te demandais de parler, c'était parce que tu me faisais peur par ton exaltation. Tu n'es plus exalté, tu viens de me sourire. Pourquoi maintenant parlerais-tu ? Je suis rassurée, je n'ai rien à te demander, je ne désire rien savoir. » Et moi, je désirerais ne pas parler, mais je n'en suis pas, par malheur, à consulter mon désir. Il faut que je parle, et toi, pauvre femme adorée, il faut que tu m'écoutes. Fin de la section 41.